Oh, chimique, le geek. Une vilaine réaction chimique a failli nous brûler la face. J'ai eu peur que je trépasse. Chimique, le geek. Tout ça pour une pizza. J'y ai laissé mes doigts. Chimique, le geek. Que le verre se casse, que la porte se fracasse. Que se brise le verre, que je brûle en enfer. Que le verre se casse, que la porte se fracasse. Que se brise le verre, que je brûle en enfer. Je te vois face à face, je crois que j'ai eu de la chance, même si Lucifer danse. Chimique, le geek, tout ça pour un simple repas, tout ça pour mon estomac. Chimique, le geek. Que le verre se casse, que la porte se fracasse. Que je brûle en enfer. Que le verre se casse, que la porte se fracasse. Que se brise le verre, que je brûle en enfer. Une simple petite allumette, cette connerie on l'a faite. On a presque laissé nos têtes. C'est en allumant le feu presque devenu sourd. Appelez maintenant les secours. Chimique, oh chimique le geek. Appelez maintenant le 18. Que le verre se casse, que la porte se fracasse. Que se brise le verre, que je brûle en enfer. Le verre que je brûle en enfer. Vous ne devriez pas rire, on a failli mourir. Vous ne devriez pas rire, on a failli périr. Chimique, oh chimique le geek.